La seule et unique chose que j'aurai à vous dire ce soir en introduction est ceci. La semaine dernière, Rockmaster, appuyé par cet être vil et épouvantable dépourvu de toute loyauté, ce misérable gobelin pestilentiel qu'est Sinistros, m'ont torturé pratiquement toute la soirée avec cet épouvantable et exécrable black metal. Ce soir, ma vengeance passera par le death metal. Ce cher death metal sera mon fer de lance afin de trucider tous ces hérétiques amateurs de black metal. In death metal we trust. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il s'agit du Dr. Pain and Death Pendragon. Bande de siphonés. Et toi aussi, Sinistros. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon said so. Go. infested. Sinister grin. Deviant actions. Relentless insect. Rabbit pottery. A piece of the worm. Suicidal defense. Je vous invite à connaître ensemble une émission qui touche les couples, les femmes, les sages-femmes. Pour tout savoir sur la périnatalité, connaître ensemble les mercredis matins de 10h à 11h sur les ondes de C'est Fou 89.1. On vous y attend! Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 26 octobre, les Patriotes hockey affrontent Carleton au Colisée Trois-Rivières à 19h. Dimanche 30 octobre, les Patriotes soccer affrontent l'UQAM au CAPS. Masculin 13h, féminin 15h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/Patriotes. Marché du Boisé, c'est le marché de la bière, et même plus. Le premier en Mauricie à vous offrir la plus grande sélection de bières au Canada. La meilleure sélection au meilleur prix depuis plus de 10 ans. Nous avons toutes les bières disponibles sur le marché. Les dégustations, en plus des exclusivités comme entre autres l'Archibald, le Grimoire et le Brasseur du Hameau. Julie est là pour vous conseiller tous les jours de la semaine. Ouvert 365 jours par année jusqu'à 23h30 tous les soirs. Le Marché du Boisé, au 7055 Boulevard des Forges, à Trois-Rivières. Un fier commanditaire des Patriotes de l'UQTR. Visitez notre page Marché du Boisé sur Facebook. Saviez-vous que Télé-Cogeco produit deux émissions en lien avec l'UQTR? Chaque semaine, le professeur Régis Solery utilise la science pour corréler certains phénomènes dits paranormaux. Vous pouvez même venir assister à l'enregistrement en studio. Pour réserver votre place, composez le 819-693-8353. De plus, un groupe d'étudiants en communication ont comme mandat de créer l'émission « 15 têtes valent mieux qu'une ». Soyez certains que vous y trouverez des sujets qui vous touchent. Pour connaître l'horaire de ces émissions, allez sur le www.tvcogeco.com. Télé-Cogeco, pour des vrais étudiants d'ici. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 25 octobre de l'an de disgrâce 2011. Je suis le Dr. Payne Pendragon et le Judas à côté de moi n'est l'autre que Sinistre Rose. Le salopard au coup de poignard. Oui, un vrai Brutus. Oui, je t'ai épargné la semaine passée, tout ça. J'embrasse mon ennemi pour mieux le poignarder. Hein? J'ai été quand même très, très correct. Non, non, tu as été quand même pas si mal. En fait, le Rockmaster et toi aviez été très correct dans l'ensemble des interventions en ce qui pouvait s'adresser à moi en tant qu'amateur de black metal. C'est la musique en tant que telle qui n'a pas été correct avec moi. Non, mais là, regarde, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Là. Non, on ne peut pas tout avoir, tu l'as bien dit. Mais ce soir... Oui, je sais, t'as ta revanche. J'ai mon death metal. Quand j'ai vu ton playlist, je me suis dit, en dedans de moi-même, bon, ça y est, c'est moi qui écope. Effectivement. Bon, plutôt qui écope. Tous ceux qui n'aiment pas le death n'écope, hein, fait que ouais, vous êtes peut-être une couple. Je suis peut-être quasiment tout seul dans ma gang, finalement. Je le sais pas. Écoute, je peux pas te dire. Ça serait drôle savoir. Je me ferais un malin plaisir, là, effectivement, si on était capable de faire une espèce de mini-sondage maison, à savoir, dans l'émission, ce que les gens aiment le plus entendre. Je parle pas de groupe, je parle de style, là. Aimes-tu plus avoir du metal folklorique, aimes-tu plus avoir du progressif, aimes-tu plus avoir du trash, du death, du black, du grind, du crossover, n'importe quoi, name it, il y en a, là. Ben, ce serait faisable, un sondage comme ben, ça. Ben, comment tu veux gérer ça? Tu vas prendre les lignes, toi, pour prendre les appels téléphoniques ben, non, live? On peut le faire par Internet, c'est peut-être moins compliqué. Ben, t'inquiète-toi-en. Un jour. Hey, ceci étant dit, on vient d'entendre avant cette pause publicitaire la formation Decapitated et la pièce de Knife qui est pièce d'ouverture du dernier album Carnivals Forever que j'aime beaucoup. Je trouve très différent, très très différent. Que je trouve pas quelque part que c'est le Decapitated qu'on connaît. Ils ont pris une nouvelle tangente, mais je m'y suis fait. Auparavant, très bonne formation. Jungle Rot. Hein? Pourri! Non, c'est pas vrai. Grand-mère ta gueule. Et la pièce Blood Ties qu'on retrouve sur le dernier album Kill on Command qui est paru en 2011, évidemment, sur Victory Records. Terrorizer et la pièce Crematorium qu'on le retrouve sur le dernier album paru de cette formation, Darker Days Ahead, qui est paru en 2006, sur Century Media. On parlera de dernier album parce que depuis, Jesse Pintado est décédé, là. C'est un band qui met quand même, une pléiade. Jesse Pintado, ben, t'as aussi, Pete Sandoval. Pas Sandoval, il joue du drum là-dedans. Ouais. 20 heures auparavant et Decapitated Saints. C'est évocateur, là. Mm-hmm. Tiré du dernier album également, Welcome to the Morbid Reich. Ou Reich, selon. Ben, ça dépend, lui, comment. c'est ça. Je pense que lui dit Reich. Reich, ouais, c'est ça que j'avais entendu. Mais Reich se dit aussi. Oh, ouais, c'est. 2011 également sur Nuclear Blast. Ça. En fait, Welcome to the Morbid Reich est un album qui, selon moi, est légèrement supérieur à Necropolis. Ben, moi, j'ai aimé ça. Je connaissais pas énormément Vader. Ah, là, c'est excellent. Pour avoir entendu quelques albums. Ça, moi, j'ai bien aimé ça. Oh, c'est un bon death, tendance trash. Ça va être un album qu'on va pouvoir mettre dans notre revue de l'année. Je serais porté à croire que oui. Et nous avions ouvert avec Aesphere et la pièce The Great Bloodjunning de l'album du même titre, qui est le dernier album aussi à être paru il y a quelques semaines sur Napalm Record. C'est juste ça, c'est un trash très européen. Il y a quelque chose là-dedans qui me tombe sur la rate un petit peu. Ben, tu vois, moi, je le revire de bord, ce que tu viens de dire là. Moi, le trash metal européen, généralement, j'ai un peu de misère avec ça. Ouais, ben, c'est ça, habituellement. Mais celui-là, hein? Non. Ben, en tout cas, faudrait peut-être que je le réécoute comme il faut. Il faudrait vraiment que tu partes du premier album d'importance, si on veut, Ballad of the Brute, qui est paru, je dirais, à peu près mi-2000 sur Napalm Records, toujours. C'est un bon label, ça, en passant. Oui, c'est un bon label. Puis, justement, j'ai Falkenbach aussi, qui va jouer tantôt. J'en ai rien à cirer. C'est pas grave, ça. Mais effectivement, commencer Aesphere avec le Ballad of the Brute, puis y aller progressivement, tu t'acclimaterais rapidement à ce qu'ils ont fait. Parce que oui, c'est un peu différent de ce qu'ils faisaient à l'époque, mais tu suivrais facilement là, l'évolution. Ceci étant dit, ce soir, on a plein de trucs musicaux. Des trucs musicaux Sinistros, il y en a à vous proposer. On en a à débattre sur nos appréciations personnelles. Ah oui. J'ai aussi des nouveautés, des trucs que j'ai vus au niveau cinéma. Deux trucs principalement que tu vas probablement être content d'entendre parler. De nouvelles entrées aussi. Je vais avoir des coups de masse, par contre. C'est toujours le fun. C'est eux autres qui sont les plus tripants. Ben oui, c'est sûr. Hein. Ça, c'est la nature humaine qui veut que le evil soit plus intéressant que le good. Evil! My words defy. Evil! dis-moi... Non. Comment t'as trouvé ça, Terrorizer? Ben, Terrorizer, une toune de même, j'ai trouvé ça correct. Je te dirai ça plus tard avec un album au grand complet. D'accord. Non, parce que je sais que tu me posais la question. Je connaissais pas ça. Je trouvais le nom du band quand même pas pire. Ouais. Puis quand j'ai vu le logo la première fois, ça a fait... ouais. Ben, c'est un comme band... ordinaire un petit peu. Oui, en tout cas, oui. C'est un band, il faut comprendre que... C'est un vieux band. Ben oui, c'est un vieux band, c'est certain. Puis c'est un band qui était side project. Mais c'est aussi, à la base, un band qui donne dans le grind avec... Ben, une révélation de death metal. Dans ton premier bloc, il n'y a rien qui m'a fait sentir là, ça me tente pas d'entendre ça. Là, c'était correct. Pas si mal. Après, ça va se gâter, mon gars. Ben, ça dépend, tu mets Nader Sadek. Ouais, Nader Sadek, ça va être écœurant. Moi, ce soir, un peu plus tard dans l'émission, on va écouter quelques pièces du nouveau Machine Head. Ça, c'est un band que je connais pas du tout. Tu m'en as parlé en bien. J'ai hâte d'entendre ça. C'est très mélodique, mais en même temps, on amène un côté qui est très très vilain dans ça. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Tu mélodique, comme vilain. Ouais. Ça, c'est comme du death gentil. Il y avait le death charmant. Le death charmant, voilà. C'est ça. Mais c'est très intelligent comme musique. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais par contre, faut s'entendre que c'est probablement pas aussi brutal que le death metal. Bref, ceci étant dit, il est 19h36 et Sinistros, tu nous proposes un premier bloc qui est, ma foi... Capoté. Ben, je sais pas, parce que là, je pense que je reconnais juste deux noms de bandes là-dedans. Non, trois. Ben, c'est bon. Lugubre, oh. J'en ai passé l'autre fois. Me rappelle-vous. Ben, ouais. Okay. Mais t'aimeras pas ça. Je vais me pousser pendant ce temps-là. OK. Bon, on va commencer avec la formation japonaise Sabbath. Qui dit... Langos. Avec la pièce Witch Flight qui est tirée du dernier album Sabbath Trinity, paru en 2011 sur Iron Pegasus. Si vous aimez... Ben ça, c'est un vieux band ça, qui a été formé en 83-84. mais qui sonne encore comme 83, 84. Fait que c'est, mais t'sais, parce que tout fit, c'est le même, ça devrait sonner, puis c'est correct. Là. Okay. C'est un, deux, trois, go, puis... Non, musicalement, c'est correct. C'est quand on voit des images que ça peut être troublant. Là. Ben oui, mais tu sais, en 84, si tu te rappelles, il y en avait des images assez troublantes là-dedans aussi, ouais, ben, remarque. C'était... Moi, c'est pas tant le fait de l'allure, mais bien de ce qui s'en dégage. Eh oui! Écoute, on va aller écouter ça. Tu nous proposes quoi aussi? Il va y avoir du lugubre Bifrost et Fagenbach. Bon. Are you ready? Go. Are you fucking ready? Sabbath. I'm not. Go. Le réseau Transport Mauricie facilite vos déplacements partout dans la région. De nouveaux circuits de transport collectif sont maintenant disponibles, unissant les territoires d'Échenaud, Latuc, Maskinongé, Mekinac, Shawinigan et Trois-Rivières. Pour connaître les horaires et les tarifs, consultez le site transportmauricie.com. Avec la collaboration de la Conférence régionale des élus de la Mauricie et du ministère des Transports du Québec, qualité et efficacité, le réseau de transport de la Mauricie, une solution à vos destinations. transportmauricie.com. Pour tous les amateurs de Satriani et de Pepperoni, à la pizzeria Rock'n'Roll, vous pouvez déguster une bonne pizza sur place au 27 rue Fusée à Trois-Rivières ou tout simplement la faire livrer en composant le 819-909-4747. 819-909-4747. À la pizzeria Rock'n'Roll, vous ne resterez pas sur votre appétit. T-shirts, crayons, cartes d'affaires, manteaux, autocollants, bref, n'importe quel objet, l'équipe de Wax Design t'imprime ce que tu veux. Que ce soit pour ton activité étudiante, campagne de financement, réalisation personnelle, association ou même ta compagnie, Wax Design est la compagnie qu'il te faut pour réaliser ton projet. Avec son équipe qualifiée, ils sauront t'offrir un service de graphisme personnalisé. Wax Design, c'est aussi des cours de kite et de paraskiflex, de l'impression, de la broderie, le tout fait ici à Trois-Rivières, au 270 rue Lacerte ou visite le waxdesign.ca. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bon, veux-tu bien me dire c'était quoi, là, ça, là? Bon, c'était le one-man band allemand Falkenbach. Avec la pièce Where is Raven's Flag est tirée du plus récent album Tiurida qui est paru plus tôt cette année, qui faisait suite à Heralding de Fireblade paru en 2005. Qu'est-ce que ça veut dire Tiurida? Je sais-tu, moi? Ben, dis-nous pas des demi-informations, là. Non, c'est ça, je dis pas d'informations, pas en tout. Fait qu'il y a pas de demi-informations. T'as raison, c'est un point pour toi. Bon. Fait que c'est ça, ça faisait suite à Heralding de Fireblade, paru en 2005. Puis on voit que c'est à peu près le même type d'album, mais celui-là, il y a du vrai drum dedans, puis ça percute. Ben, ça a plus de dimension. Un petit peu. Mais c'est un excellent album que je conseille à tous, aux amateurs de vrai folk metal. OK. Tout juste avant, on avait l'excellente formation norvégienne Bifrost, oui, c'est bon, ça. Avec la pièce Of Death, qui est tirée du plus récent album Of Death, qui est paru en 2011 sur AFM Records. Ça, c'est un album que je recommande haut la main. Oh, oui, même aller lire ma critique sur réanimation sur hurlemort.com. J'approuve aussi. Tout juste avant, Lugubre des Pays-Bas avec la pièce Chaos Cult qui est sortie en 2010 sur l'album Supreme Ritual Genocide. C'est sur Folter Records, label que je connais pas du tout. Écoute, j'ai pas pu l'entendre parce que je suis allé faire une course, oui. Ça, c'est ça. Fait que je peux pas une te dire. C'est le cas de le dire. Oui, effectivement. Je peux pas dire vraiment qu'est-ce qu'il y en était. Ben, t'aurais pas aimé ça, c'est du black c'est metal du black, okay. Comme Temple. Ben ouais, OK, ça résume bien la situation. Oui, je commence à te connaître. Bietin, ça fait quand même ça fait quand même juste 21 ans là, qu'on se connaît. Ben là. Non, mais là, écoute bien. Il commence à me connaître. À radio, on n'est pas supposé dire des choses comme ça. C'est vrai? Bon, on s'est rencontrés la semaine dernière. Oui, c'est ça. Faut qu'on soit comme certains animateurs de télévision qui se poignardent dans le dos en deux. Ça. Je nommerai pas de nom, là, mais... Il y en a. Bon, la première pièce du bloc, c'était la formation japonaise Sabbath. Longos. Très Longos. Longos. Avec la pièce Witch Flight, tirée du plus récent album Sabbath Trinity, paru en 2011 sur Iron Pegasus. C'est bon, Sabbath. C'est excellent. S'il y en a d'entre excellent. Vous qui se demandent pourquoi on n'arrête pas de dire Longos, là, ben allez faire un tour sur Spirit of Metal, sur Sabbath, puis regardez la photo. Vous pouvez aller voir directement sur Ah, ben oui, sur le mort, tu l'as posté, toi. Sur lemort.com, pardon. Allez voir, cliquez sur l'onglet Album 2011 et allez voir la chronique de Sabbath, Sabbath Trinity. J'ai mis la photo de Longos. Vous allez probablement comprendre si vous êtes moindrement observateur. Ici, la censure nous oblige à ne pas être plus explicite. Ceci là, étant dit... Il me semble que c'est assez évident. Ben oui, mais tu sais, il y en a qu'il va falloir que tu lui c'est mettes le nez dedans. C'est vrai qu'il y en a qui n'allument pas. Non, il y en aura toujours des un petit peu moins allumés que d'autres. Comme toi, ça, mettons. Ah, que voulez-vous? J'essaie d'arrêter pour ça. Veux-tu savoir vraiment ce que je veux, moi? Non. OK. Tout si bien. Hey, il y a des petites choses intéressantes qui se passent dans le cinéma, mon cher. Tu m'en diras, tant. Ben, tant certain. Il y a un film qui me semble, en fait, moi, qui a piqué ma curiosité, qui sort le 11 novembre, qui porte le titre de 11-11-11. 11-11-11. Oui, 11 novembre 2011. Ça a l'air d'être le fun. Ouais. C'est dans la catégorie horreur, mais il y aura probablement quelque chose qui pourrait susciter ton intérêt, parce que ce n'est pas juste de l'horreur, il y a une portion très religion. Ah oui? Oui. En résumé, c'est un auteur à succès des Américains, un auteur à succès américain qui perd sa femme, son enfant, dans un accident, et qui décide de partir à Barcelone, aller rejoindre son frère, pour changer d'idée, ainsi de suite. Il y a plusieurs événements qui, étranges, qui arrivent, au fur et à mesure de son voyage, et constamment, il y a le chiffre 11 qui se retrouve avec ça d'une façon ou d'une autre. Et, peu à peu, ça pique sa curiosité au-delà de sa frousse, on va apprendre que, il y a une espèce d'organisation qui est convaincue que le 11 novembre 2011, soit dans peu de temps, dans 2 semaines, la 11e et dernière porte du paradis s'ouvrira pour 49 minutes. Pourquoi 49? Je sais pas, j'ai pas vu le film. OK. Mais les previews sont intéressants. En fait, je trouve même que le sujet l'est en tant que tel, parce que ça va remettre en cause un paquet toute l'histoire de religion et ainsi de suite. Non, ça risque d'être assez intéressant. Oui, donc ça risque d'être vraiment quelque chose qui, je dirais, pour le moins original. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est Darren Lynn Bousman qui a fait ça, mais lui, on lui doit entre autres ça, 2, 3 et 4, qui était de bons films, oh, assez tordus. Et la série Fear Itself, que moi j'ai trouvé très bonne aussi. Ça, c'est le 11 novembre, quand ça sort, évidemment. Donc, c'est à suivre. Il y a un film en décembre 2011 qui s'appelle Coriolanus, qui est le nom d'un général romain. Ça met on est rendu sur le trip des Romains, il me semble, depuis quelques années. Oui, effectivement. Puis tu remarqueras que c'est ça depuis surtout le film Gladiator. Ben, qui est paru en 2002, je pense. 2002, je crois. Depuis 2001, peut-être. 2001. Depuis Gladiator, les scénaristes se sont rendus compte que la Rome antique était un sujet quasiment inépuisable à quelque part au niveau de ce qui était tout sujet troublant et décadent. Ben, donc, il pourrait faire un film sur la bataille d'Alésia, puis il serait capable de faire un film de 3 heures. Hein, ben, il pourrait faire une fresque, tout à fait. Ouais. Donc, Coriolanus, c'est un film qui parle du général Coriolanus. En fait, c'est issu aussi, c'est traité d'une tragédie de Shakespeare. Ça met en vedette Gerard Butler, Ralph Fiennes et Brian Cox. Donc, Gerard Butler, on s'entend que ça risque d'être quand même pas si mal. Là. C'est quand même quelqu'un qui a fait une lancée cinématographique assez fulgurante. Mais c'est traité contemporain. C'est traité comme à la manière d'aujourd'hui. Donc, ce sont vraiment des soldats avec des armes qui sont... actuel, et ainsi de suite. Donc, un contexte de trahison et de violence actuelle, d'armée actuelle. Je suis allé voir les previews, puis au début, j'étais sceptique en me disant, « Bah non, ils n'ont pas traité ça comme ça. » Je pensais que c'était pour être plus historique. Là. Non, ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être assez intéressant. Donc ça, c'est en décembre 2011. La date exactement, je ne l'avais pas encore. Je vais pouvoir la trouver d'ici la semaine prochaine. Bonne nouvelle, le 16 décembre! Notre ami Robert Downey Jr. remet ça avec Sherlock Holmes 2. Oh, ça va être bon, ça. Le premier était vraiment bon, vraiment bon. Donc, cette fois-ci, le 16 décembre... C'est quand il se tape sa gueule avec Watson. Ah ouais. Ben, c'est le même, je te dirais. Le même duo. Robert Downey Jr. et Jude Law. Et c'est encore Guy Ritchie qui a fait le film. Donc, ça, c'est un signe de qualité. Un signe de suite. Tout à fait. Donc, Sherlock Holmes, A Game of Shadows, c'est le 16 décembre. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Super 8. J'ai vu. Puis? C'est super bon. Ouais. C'est très bon. C'est très, très bon. Par contre, il faut savoir que c'est un film qui, à la base, est traité un peu... Écoute, c'est Steven Spielberg qui est le producteur exécutif. Donc, il met un peu sa sauce là-dedans. C'est J.J. Abrams qui est le scénariste. J.J. Abrams, c'est la série Lost, entre autres. Okay. C'est très tordu. Donc, moi, en fait, je lui ai donné un 7.5 sur 10, qui est quand même assez bien, parce qu'il y a un aspect très, très... T'avais-tu vu le film inspiré de Stephen King, Stand By Me, en 86? Ben, peut-être, là. Avec... Il y avait... River Phoenix, entre autres, là-dedans. Oui, oui, ça se Un film d'aventure de gamin des années 50. C'est un film, je dirais, un drame avec une portion aventure puis une portion tragédie. Moi, j'ai adoré ce film-là. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre que je considère au niveau du cinéma des années 80 principalement. Celui-là, c'est un peu le même principe. Ça se passe en 1960, dans les années 70. C'est une bande de jeunes qui vivent en banlieue dans les États-Unis et qui décident de... Ils veulent faire un film amateur pour pouvoir participer à un concours de film amateur. Puis leur film amateur, c'est un film de zombies. Donc, l'espèce de tête dirigeante, lui, ce qu'il décide de faire, c'est son équipe. C'est tous des jeunes. Le plus vieux, peut-être, je sais pas, au moins 13 ans, là, tu sais. Donc, ils amènent un soir sur le bord d'une gare parce qu'il y a une scène particulière entre son personnage vedette et puis une fille qui est actrice, là, qui font partie de leurs amis. C'est vraiment cool, là. C'est sur une gare, puis à un moment donné, il voit le train se profiler, puis lui, il est tout content parce qu'il dit avoir l'air plus véridique. Donc, il dit, on tourne, le train va passer, puis ainsi de suite. Tragédie ferroviaire, le train, à un moment donné... Ben, pas le train plante, il y a vraiment une camionnette qui décide... qui embarque sur la rail de chemin de fer pour faire un face-à-face avec le train, délibérément, fait dérailler le train, ça devient un hécatombe extraordinaire. Puis eux ne comprennent pas ce qui s'est passé, puis ils ont été épargnés de peine et de misère à travers toute cette catastrophe-là. Et là entre un aspect très science-fiction. Je vous dirais pas c'est quoi, là. Un aspect très science-fiction qui m'a assez plu, je dois dire. Pas pour mettre plus qu'un 7.5, mais assez plus. Parce qu'il y a un mélange à un certain moment donné de Cloverfield là-dedans. OK. C'est très original, c'est très J.J. Abrams. Si vous avez aimé Lost, moi j'ai bien aimé Lost, allez au moins jusqu'à la cinquième saison. Mais j'ai pas vu la série Lost. OK. Bon. J'ai vu quelques saison, épisodes. Je trouvais un petit peu fucké, là, mais puis même un peu inutile. Mais 1, 2, 3, 4, facilement, très, très captivant, très intéressant, très weird, très science-fiction. C'est un peu le ce qu'on retrouve dans le film Super 8. Mais, je vais garder mon coup de masse pour la fin. Le film que j'ai vu, enfin, c'est Captain America. C'est un coup de masse? Non, mon coup de masse, c'est à la fin. Okay. Captain America, j'ai donné un 9.5 sur 10. Oh, c'est pas un coup de masse. Donc, ça va être bon. C'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu. C'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu. Et ça bat même le dernier X-Men? Moi, je dis que oui. Ben, ce qui me concerne, c'est subjectif. Là. C'est subjectif. Écoute, moi, ce que je rentre en ligne de compte, c'est... l'historique du personnage de comic book Captain America qui date depuis des décennies. La fidélité avec le comic, le traitement de la mise en situation, de la mise en scène, des personnages, du acting, de la reconstitution, parce que ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. La façon d'amener un petit côté naïf, très comic book, super intéressant, rempli d'action. Mais en même temps, c'est très patriotique, évidemment, tu sais. C'est Captain America, ça s'appellerait Captain Ouganda, serait une autre histoire, là, mais... Non, ou Capitaine Kadhafi, ou Libio. Peut-être, ouais. Bon. Mais c'est vraiment très, très, très comic book. Si vous êtes amateur de super-héros, puis ça, là, je le dis, là, ouvertement, vous êtes pas amateur de super-héros, de façon ben moi, dire, Captain America, c'est pas mal dans mes préférés dans le temps. Ben ça, moi aussi. Ça, puis les Fantastic Four, là, Bon. Fait que, tu sais, ça, si toi, t'as connu ça, puis tu t'es intéressé à ça par le passé ou encore aujourd'hui, peu importe, tu devrais apprécier à sa juste valeur le film. Les gens qui vont avoir aimé Spider-Man parce qu'ils trouvaient que c'était nouveau, sans connaître vraiment l'origine de Spider-Man, ça s'adresse peut-être pas aux autres. OK. Spider-Man est beaucoup plus populaire dans les faits au niveau des super-héros de Marvel que Captain America parce qu'il s'est propagé dans le temps au niveau des comics, des bandes dessinées, puis des animations, ce qui était moins fait avec Captain America. Donc, faut le voir avec un œil un peu plus avisé et averti, mais c'est vraiment, vraiment excellent. Et le coup de masse pour cette semaine... qui est une série que je croyais avoir énormément de plaisir à voir parce que M. Spielberg est là-dedans, c'est Falling Skies. C'est une télésérie qui se veut être l'après-conquête des extraterrestres sur la planète Terre, donc une Terre laissée pratiquement en ruine, et quelques survivants dans différents pays et continents qui décident de former de leur côté chacun une espèce de forme de résistance. C'est grand-mère? Pourri! Et vous dites grand-mère? Pourri! C'est pourri! C'est pourri! J'ai donné 3 sur 10. Puis le 3, là, c'est juste parce que les aliens ne sont pas pires à voir, c'est tout. C'est une perte de temps monumentale. Il se passe rien. Quand ça arrive pour relever, ça retombe tout de suite. C'est pourri! Pourri! Pourri! Pourri! Ouais, grand-mère l'a dit, c'est pourri. Merci, grand-mère, de cette appréciation. D'ailleurs, faut noter que grand-mère ici, c'est la seule chose qu'elle peut apprécier. Et la seule cote qu'elle peut donner, c'est pourri! Donc, perdez pas votre temps. C'est ce TNT TV, Falling Skies, c'est à chier. D'accord. On parlera chronique cinéma tout à l'heure, parce que le temps avance. Allons-y maintenant avec... Pourri! Ben, tu le sais pas, tu l'as pas entendu encore. Mais non! Machine Head! OK. On va se taper la pièce I Am Hell, Sonatine C, qui est la pièce d'ouverture de Into the Locust, qui est parue il y a quelques semaines à peine sur Roadrunner Records. Machine Head et la pièce I Am Hell. Sangre, sangre, sangre, sangre. Machine Head et la pièce I Am Hell, Sonatine C, une pièce, une longue pièce de 8 minutes 25. Bon, écoutez, les pièces généralement sur cet album, Into the Lacoste, sont relativement longues, ce qui fait que on va se restreindre à celle-ci pour ce soir, mais on reviendra avec Machine Head au fil des prochaines semaines pour redécouvrir encore plus cet album-ci. J'ai envie de regarder les cabinets Vader, là, puis ça n'a aucun rapport à ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas grave, ça. Trois Bières Métal le propose le samedi le 5 novembre prochain au Rock Café Le Stage. Quatre formations qui sont Soul of Ignorance, Havoc, Gold War et Doom. Oh, ça va être un très bon show. Oui, ça va être cool. Juste pour Havoc, là, c'est. Ben, ça va être vraiment cool de voir ce band-là s'en venir des États-Unis pour nous faire un bon trash old school. Ah ouais, ça va être cool. Moi, ça me prend un t-shirt, ça me prend une photo avec la band. Ça me prend. Moi, je suis moins de fan groupie à côté. Oui, ben c'est ça, je me disais. Hein. Moi, j'essaie d'avoir un ID. Je vais essayer d'avoir un ID aussi avec Ezio. Ça va être tout à fait réalisable, j'imagine. Donc, Gold War aussi, je suis très content de les voir parce que ça va être. Ben moi, j'ai entendu quelques tunes. Je connais pas réellement la formation. C'est un band qui a une discographie un petit peu inégale, mais je dirais que généralement, dans chacun des albums. C'est un Black Death, non? Ouais, c'est un Black Death, des fois un peu trashy, ces bars. Ah, cool. Qui ont généralement dans chacun de leurs albums de bons éléments. Puis Exhum, ben, moi, je suis un fan de ça. Fait que, dans leurs albums, ils ont des bons éléments. Le guitariste, est pas pire. Ouais, le drummer est pas très bon, là, mais bon. Donc, ça, c'est le 5 novembre prochain. C'est à 19h, c'est pour tous. Il en coûtera 15$ en pré-vente et 20$ à la porte. Les billets en pré-vente sont disponibles à Plus Rock, qui se situe ici sur le Notre-Dame et sur la rue des Forges. Metal Punk. Connais-tu ça, Metal Punk? Non, je ne connais pas lui. Non. Pierre, je ne le connais pas du tout. Moi non plus, je ne connais pas Pierre du tout. Je ne connais pas non plus Metal Punk situé sur la rue Saint-Georges, ça ne me dit rien pas tout. Via PayPal, par toiviametal.com. Bon, là, Pierre, on t'a fait ta plug. J'espère que tu es content. J'espère que tu vas penser ce que je t'ai dit. Là, j'ai dit live encore. Là, j'en profite parce que les messages passent, semble-t-il, dans ce temps-là. Tu parlais des cabinets Vader, tant qu'à faire une plug. Ouais. Ah oui, ben c'est vrai, ça. C'est intéressant parce qu'on a rencontré un chic type hein, au Metal Fest. Ben, moi, je l'ai rencontré pour la première fois. C'est Christophe de Arsenal Musical qui un nomade cabinet des cabinets qu'il y avait sur le stage du Metal Fest qui était tagué Trois-Rivières Metal Fest. C'est un gars de Bécancour qui fabrique ça. C'est Christophe Joseph de Nomade Cabinet. Il y a la compagnie Arsenal Musical. Ben justement, je me suis fait un cadeau hier. Ben oui. Je me suis acheté une guitare 7 cordes Imperion, une guitare italienne. C'est fou, c'est gros, c'est vraiment. Mais t'as pas encore trouvé où mettre la septième corde, hein, je pense. Non, mais je pensais que c'était pour ma mettre, je te dirais pas où, ouais. Mais finalement, elle rentre pas. Tant mieux pour toi. Mais j'ai pris mes cutters, j'ai une corde de trop là-dessus, je l'ai coupé, mais ça allait que c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, Sonal Musical, c'est vraiment un chic type. Puis il semble avoir du très beau stock aussi. Ouais, pas... dépositaire d'un paquet de stock, là, il y a des... Et c'est chez nous. Il y a des speakers Celestion, il y a des cabinets Vader, il y a ses cabinets à lui nomades. Ouais. Un paquet de gugus, là. Mais pour finir, ce que je voulais dire à Pierre, comme je lui ai dit le week-end dernier lorsque je suis allé le voir, là, Pierre, il faut que tu songes vraiment à commanditer réanimation, là. Ah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Maintenant, c'est un échange de bons procédés, ce qui veut dire qu'on s'attend minimalement à une fois par semaine, avoir au moins une centaine de dollars de disques. Hein, c'est bon, ça? Je pense que ça posera pas au conseil. Non, pas ça. Conseil formé de Pierre et de Pierre. Ouais, mais il s'est pas fait des cartes cadeaux, il pourrait nous les donner. Ben oui! Ben oui, quelle bonne idée! On te salue, Pierre, c'est toi le chef. OK, maintenant, Sinistros va nous proposer... rien du tout. Ouais, j'aimerais bien ça, mais okay. Ça sera pas le cas. Ouais, là, ça, je commence à avoir peur quand je vois le nom, là, malgré. C'est ta présentation de la soirée, n'est-ce pas? Formation norvégienne qui est formée du batteur de Keith of Carlesenville. La formation s'appelle Subliritum, qui nous fait un black metal mélodique, un peu à la sauce Old Man Child. Ça ressemble un peu dans les structures musicales. Il y a des vocaux clean de temps en temps qui tombent pas dans l'excessif power metal. J'espère. Non, ben c'est un album qui s'écoute très bien de A à Z. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça rentre au poste. Connaissais-tu ça, Battle God Productions? Non, moi, pas du tout. Ça me disait rien, moi non plus. Pas du tout. Alors, on va écouter les quatre premières pièces de l'album qui s'appelle A Touch of Death, soit les pièces No Tomorrow, Indulgence, The Beast, Back to Zero. Voici la formation norvégienne Subliritum. À qui tu as donné une bonne cote? Oui, oui, c'est un très bon album. Go! Bye. catalepsie, état caractérisé par la perte de la motricité volontaire et de la sensibilité avec une hypertonie s'opposant à toute tentative de mobilisation, observée dans les états hypnotiques, hystérie et la schizophrénie. Chaque semaine, Catalepsie analyse un thème sous toutes ses coutures et toutes ses formes. Cessez tout mouvement et soyez des nôtres les lundis de 20h à 22h sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Souffrez-vous d'un des symptômes suivants? Nez qui coule, yeux qui piquent, éternuement. Si vous êtes âgé entre 18 et 65 ans et souffrez d'allergies saisonnières durant les mois de juin et juillet, vous êtes peut-être éligible pour participer à une étude de recherche sur un médicament en investigation qui pourrait vous aider à combattre vos allergies. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les infirmières du Centre d'investigation clinique de la Mauricie au 819-373-1128. Le 819-373-1128. Saviez-vous que Télé-Cogeco produit deux émissions en lien avec l'UQTR? Chaque semaine, le professeur Régis Solery utilise la science pour corréler certains phénomènes dits paranormaux. Vous pouvez même venir assister à l'enregistrement en studio. Pour réserver votre place, composez le 819-693-8353. De plus, un groupe d'étudiants en communication ont comme mandat de créer l'émission « 15 têtes valent mieux qu'une ». Soyez certain que vous y trouverez des sujets qui vous touchent. Pour connaître l'horaire de ces émissions, allez sur le www.tvcogeco.com. Télé-Cogeco, pour des vrais étudiants d'ici. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes assez fou pour l'écouter, mais vous êtes aussi assez fou pour nous écouter. Eh oui. Le Undead Incorporated Show, réanimation. Il est présentement 20h51 et nous avons entendu Sinistros. Avec ses élucubrations. Ses élucubrations, oui. Oh, OK, c'est ça. Oui. On a entendu la formation norvégienne Subliretum avec l'album Touch of Death. On a entendu tour à tour Back to Zero, The Beast, Indulcence et No Tomorrow. C'est paru tout récemment sur Battle God Productions, label que je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Ceci étant dit, il y a des trucs qui sont en spectacle sous peu à l'extérieur de la région, soit à Montréal, à Keep, Mayhem. Wow, ah, toi, t'aimes tellement. J'y vais en courant. Mayhem, Keep of Callison, 8, Abigail Williams et Wow. Wow. C'est le lundi 7 novembre prochain à 19h et c'est à l'Impérial. Ah non, c'est à l'Impérial, c'est à Québec. C'est pour tous, ça en coûtera 28,50$, taxes incluses. Chimera, Unhurt, Skeleton Witch, Molotov Solution, lundi le 14 novembre à 19h au Club Soda. Ça en coûtera 22,82$ et 27,30$ plus taxes. C'est pour tous, disponible à la billetterie du Club Soda. Là, je suis pas capable de dire c'est quoi ça. Je sais pas. Ça va pas bien. Ah, aller faire un spot check, là, des fois. Arcona. Hein, Arcona qui reviennent. On dirait. Arcona, Talamius et Valknacht. Valknacht. Ça doit être en Klingon. C'est mercredi le 16 novembre à 20h à l'Agité. Les billets sont au coût de 25$, taxes incluses et pour tous. Parce qu'ils ont joué récemment à Arcona à Montréal, si je ne me trompe pas. Ça se peut. Oui. Ça se peut. Dark Funeral, Abigail Williams, Inquisition et Gigant, c'est le 2 février au Café Campus. À Bayside, Jungle Rock, Abigail Williams, encore une fois, ils sont populaires, eux autres. Et L'Icarus Nocturne, c'est le 4 mars au Fofounes Électriques. Abigail Williams vont peut-être bien faire comme Warbringer. Ben, c'est ça que je t'avais demandé. Hein. Mais c'est-tu un band montréalais, ça? Je pense que pense oui. Pas. Non, je pense pas. Non? Non? Ah, OK. Il y a aussi, j'ai lu ça. Tu sais lire, toi? Ben, apparemment, oui. Mais l'image est toujours un peu. Il y aurait Judas Priest, un spectacle à Montréal au mois de novembre. Je suis tourné de... Ouais. Mastodon aussi serait à Montréal au courant du ben mois moi, de novembre. Ben, moi, il va pas. Non, mais on va dire Judas Priest d'abord. J'y irai pas plus non plus. Ça a tourné. Ça a l'air que pour les fans de Mastodon, le dernier album est super bon. Ben, oh, je sais. Moi, je suis pas. Je devrais pas être assez fan. Je suis très plate. Bon, je devrais pas être assez fan de Mastodon pour ça. Je sais pas. Écoute. Moi, j'ai vraiment autant pas aimé. Que Leviathan et Remission, c'est super bon. Mais ça, ouais. C'est super. Pourri! Moi, j'ai vraiment. Je suis d'accord avec toi, grand-mère. Mais Judas Priest, c'est tourné d'adieu, hein. Oui. Keke Downing est même pas là. Eh non. Ah, c'est beau. Ils l'ont remplacé par un jeune qui doit faire des meilleures pipes que Keke Downing. C'est possible. Ça va donc savoir. Eh non, je le sais. Non, tu le sais, oui, oui. La rumeur est partie, c'est trop se laisser. Mais pour les amateurs de Judas Priest, c'est une compilation qui s'appelle The Chosen Few, qui est disponible présentement, qui met, je dirais... Moi, je trouve que les titres sont vraiment intéressants là, pour se connaître Judas Priest ou si tu veux avoir un best-of. Sur l'étendue de la carrière, je pense que c'est 17 pièces, me semble. C'est assez bien. Moi, la semaine prochaine, je vous proposerai le dernier mini-EP, si on veut, de Immolation, qui porte le titre de Providence, qui est un pur chef-d'œuvre. J'en parlais avec toi tout à l'heure en début d'émission, hors onde. J'ai jamais été vraiment un gros fan d'Immolation. Ben, moi, ce que j'avais entendu, c'est C'est très, très, très guttural, là. C'est très baveux de graisse, tellement c'est gras, là, par moment, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Ça demande même s'il n'est pas en train de s'étouffer avec quelque chose qui a mal digéré. Il est tombé dans une plotte frite, puis Le mot de chasseux. Il s'est écrasé dans la friteuse, comme blablabla. Mais le mini-album de 5 pièces, Providence, est tout simplement génial. Je lui donne un 9.5 sur 10. Donc, la semaine prochaine... C'est gros, ça, 9.5 sur 10. Ben, c'est une grosse pointure, ça. C'est une grosse pointure. Mais je pense sérieusement que je suis loin de me tromper parce que j'ai écouté cet album-là 5 fois. Puis, à toutes les fois, je le trouvais meilleur. À toutes les fois, je trouvais que c'était un nouvel album. Ouais, c'était jamais même pièce. Les tunes, c'était jamais pareil. Mais non. C'est comme le gars qui dit, moi, ça fait, je fais des conférences, j'ai une conférence de préparer, d'un endroit à l'autre, tout ce que je fais pour que ça ait l'air différent, je change les mots de place. Ah, c'est bien. Immolation, Providence, je vous propose ça la semaine prochaine, c'est disponible sur Nuclear Blast. C'est 5 pièces. Ça célèbre leur 20e anniversaire d'ailleurs. Donc, ça va être assez bon. Là, il y a un beau petit coup de masque qui s'en vient, mon cher, là. Puis c'est toi le maître d'œuvre pour là-dessus. Tu sais de quoi je vais parler, hein? Mm. Bon, écoute, on est déçu. Ouais. Bon, c'est peut-être pas le mot. Skeleton Witch. Ouais, ben, ça, regarde, écoute. Écoute, il y a deux cotes là-dessus. Il y a la tienne puis il y a la mienne. Ah, t'en as mis une, toi aussi? Ben, je l'avais mis bien avant que tu décides de faire de quoi dessus. Ah, oh, OK. T'avais mis combien, là? 5. Ah, c'est pas pire. Moi, je suis allé en deçà. Ouais. Je l'ai. Bon, moi, j'ai dit comme ça. Je les trouve meilleurs en spectacle qu'en studio. C'est ce que je pense encore. Du moins plus puissant. C'est encore le cas. Et même que cette fois-ci, ça ne s'est pas amélioré côté album. Dr. Payne. C'est mon appréciation. Sinistrose, je le cite parce que c'est vraiment délectable, je dois le dire. Et je cite, abomination, telle est la qualification de ce nouvel album de Skeleton Witch. Bienvenue dans le trend trash noirci à saveur metalcore. Abomination, des riffs d'une platitude extrême surmontés par une batterie tellement triguée que les guitares sont mises à l'arrière-plan. Que dire de plus que cette galette préfabriquée selon les nouvelles normes commerciales du nouveau métal. Abomination. Et c'est signé Sinistros qui a donné un 4. Faut dire que le titre de l'album, c'est Forever Abomination. C'est ça, une abomination pour toujours. Bon. Je sais que t'as aimé plus le nouveau Warbringer que moi. Non, j'ai aimé moins. Tu l'as aimé moins, c'est sérieux? Moi, j'ai donné 5. Ah, ben oui, effectivement. Bon, moi, même que je dis que contrairement ouais, c'est à toi... Oui, c'est effectivement. Moi, j'ai donné 5.5, mais je le trouve pas bon. Ben, 5.5 plus 5, ça, on va donner 5.3 à 2. C'est pas plus. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, c'était nos appréciations respectives. Ben, moi, je trouve, parce que, c'est le même album qui est remarché depuis 2008. C'est ça, tout le temps. Tu sais, en 2008, quand ils sont arrivés avec le premier album, il y avait une belle lumière au bout du tunnel. Là, mon nez, le deuxième album, la lumière, elle arrêtait là, mais là, elle vient de repartir ce qu'elle était. Là. Ben, ça s'est peut-être avéré, c'était un train aussi. Hein. Ah, ben là, c'est pas moi, là. Ceci étant dit, maintenant, c'est ma deuxième présentation d'un bloc, j'allais dire, multidysfonctionnel. Clap. Pour toi, oui. Ben, pour moi, non, parce qu'on va débuter avec The Mighty Morbid Angel. Ah, ben, ça, c'est correct. Vu que c'est un vieil album, peut-être que je vais peut-être... Ben, t'as besoin de fermer ta trappe puis d'écouter, puis c'est bon. OK. C'est ce qu'il faut que tu dises à la fin du bloc. Oui. Go. Die! De vitalité pour commencer la semaine et les gélules d'huile de caribou ne suffisent plus à vous redonner de l'endrain. Melon miel et choux de Bruxelles, votre solution auditive. Les lundis matins de 9 à 11 heures, votre rendez-vous, soyez-y. Revigorez vos tympans. Gâtez-vous! Pour faciliter vos déplacements, de nouveaux circuits de transport collectif sont maintenant disponibles, unissant les territoires d'Échenaud, Latuc, Maskinongé, Mekinac, Shawinigan et Trois-Rivières. Qualité et efficacité, le réseau de transport de la Mauricie, une solution à vos destinations. Pour connaître les horaires et les tarifs, consultez le transportmauricie.com. B4. A17. R34. I41. K70. K70. Barrique! Ho ho! On a un gagnant pour le prix de la barrique. Vous aurez le choix, monsieur, parmi plus de 350 sortes de bières de microbrasserie québécoise, des paniers cadeaux, du fudge, des terrines, du jerky, des verres à bière, tout pour avoir du plaisir. Avec leurs judicieux conseils, vous êtes certain de trouver tout ce que vous cherchez. Allez les voir au 41-70 Boulevard des Forges, face au centre Les Rivières. Vous êtes assez fous. Écoutez. Oh, ça, ça tue. Écœurant. Écœurant. Nader Sadek. Écœurant! Ah, grand-mère, vous avez trouvé un nouveau mot de vocabulaire. Félicitations. Nader Sadek est la pièce Petrophilia que l'on trouve sur le premier et seul unique album. In the Flesh, qui est paru il y a quelques mois sur Season of Mist. C'est vraiment très, très bon. Même si Sinistros n'est pas un amateur de death metal, il convient allègrement que c'est un très bon album. Ben, je me suis aperçu, tu dis que je ne suis pas un amateur de death metal. Je me suis aperçu que je ne suis pas un amateur de death brutal. OK. Ben, ça, c'était assez brutal, là. Ben, non, moi, dans ma tête, brutal, c'est comme Decide, c'est souvent okay, plus guttural, ouais, plus. Ouais, gore, OK. Lavabo, mettons, là. Ouais, c'est des cossins comme Jungle Rot, ça, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça, plus Easy Way, là. Nader Sadek, ça, j'ai bien aimé ça. Ouais. ATS, j'adore ça, même si c'est plus jazz. Ouais. Oh, ouais, c'est effectivement, mais ça, je pense que c'est un album death metal qui peut rallier pas mal d'amateurs, là. Même tantôt, Suffocation, Tommy, là, je trouve ça correct. Ouais, c'était correct. Juste auparavant, nous avions Origin, une autre. Ben, en fait, ça, c'est de la misère, bon. C'était un bloc made in USA, all the way. Je sais qu'Origin, t'as de la misère. C'est tiré de l'album Antithesis, qui pour moi est un des très bons albums qu'ils ont fait en 2008. La pièce étant Consuming Misery. C'est paru, hein, comme je l'ai dit, en 2008 sur Relapse. Nous avions Dayside, juste auparavant, et Hate of All Hatreds. Moi, j'aime beaucoup. Tiré de l'album Till Death Do Us Part, l'avant-dernier album de 2008 sur E-Rake également. Suffocation, comme tu le disais, avec The Small Dream. Tiré de la dernière parution Blood Oath, qui paru en 2009 sur Nuclear Blast. Nous avions ouvert avec Morbid Angel et Eyes to See, Ears to Hear. Tiré du, en fait, moi, c'est mon préféré, Domination, qui est paru en 95 sur Giant Records. Ceci étant dit, maintenant, il est 21h22, et on va-tu manquer de gaz, nous autres, là? Hé, hey, c'est rare, on manque de gaz, d'habitude, on en a trop. Ben, c'est pas grave. Oh, on improvisera. tu veux qu'on fasse une revue du Metal Fest? On l'a fait la semaine passée, mais bon. Non, blague à part, la semaine prochaine, moi, je vous présente, comme je l'ai dit, le dernier mini-album, Immolation. Pardon, reflux gastrique, je suis fort désolé. L'album Providence, très bon album. Toi, tu nous proposes des... L'album de formation one-man band norvégien qui s'appelle Talk. Ça s'écrit T-A-A-K-E, mais ça se prononce Talk. Et j'aurai Shoulder, dernier album formation que j'ai connu tout récemment, puis qui est d'une pure evilness. Deux albums du genre black metal. Du genre, ben d'après moi, tu vas peut-être aimer ça. Ben, je sais pas, j'allais te proposer peut-être faire l'émission tout seul. Là. Non, mais ces deux albums sont très bien construits, puis c'est pas. Ça tombe pas dans le black metal que toi t'aimes pas, là, tu sais. Mais On va régler l'affaire une fois pour toutes. Là. Le black metal, là, je vais te le dire ce que j'aime pas. Toi, t'aimes pas les guitares rasoirs. J'aime pas les guitares rasoirs. J'aime pas le vocal. Ben, j'aime pas ça. OK. J'aime pas ça. Mais principalement, c'est effectivement les guitares rasoirs que je trouve assez fatigantes. Merci. Moi, je me dis, hey, t'en as 6 cordes, là. Pourquoi tu t'en sers pas de plus qu'une de temps en temps, là? Parce que les autres, ils font le contraire du death. Hein, à la place de se down-tuner, ils se up-tune. Ouais. Ouais, pis ça m'énerve. OK. Ben, t'as-tu aimé Subliritum? Ben, écoute, aimé. J'étais correct, là. OK. C'était correct. Bon, je vais être franc avec toi, je n'écouterai pas. OK. Tu vas peut-être avoir de la misère avec mes deux albums. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Mais moi, ce que j'aime dans le métal, c'est quand ça sonne plein. Ça sonne plein, que ça sonne gras. Ça sonne bang, comme un coup de masse à chaque fois. Ce que je retrouve pas dans le black metal. Black metal, je trouve que c'est trop. Autant le black metal est excessivement intense d'une certaine façon. C'est fait pour être fret. Mais c'est pas que c'est. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais j'attends toujours qu'il y ait de quoi qui lève de ça. De quoi, tu sais, non, jamais. On dirait un rasoir électrique, c'est ça, là. Tu sais, plug 3-4 rasoirs électriques, là, mets-la sur le comptoir, pour la mets-la on en même temps, c'est ça, du black metal. Puis, mets un gars qui va faire. Tu sais, non, mais ça, écoute, il y en a pour tous les goûts, je suis d'accord, là. T'sais. Ben, justement, on va avoir un super bloc pour toi. Ça va être vraiment poche. Ça me le dit pas. Écoute, il faudrait prendre 2 secondes pour remercier notre ami Pierre de Metal Punk d'avoir accepté de nous commanditer. Ben il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore, mais on vient de se mériter 100 piastres chaque d'album par semaine. Par semaine. Non, blague à part, il faut remercier plein de gens. Écoute, il y a plein de monde qui nous écoute. Mon voisin. Ouais, je pense pas que le mien m'écoute. J'ai aucune idée pourquoi, là. Mais c'est pas grave. Il y a du monde qui nous écoute, il y a du monde qui nous donne des commentaires, il y a du monde qui nous appelle. Puis c'est ça, c'est vraiment cool pour nous. Puis il y a du monde qui commence à nous lire aussi sur Internet. Il y a du monde qui commence à nous lire sur Internet, ça c'est le fun. Parce que, dans le fond, Réanimation, c'est pas seulement une émission de 3 heures qu'on diffuse des niaiseries verbales puis de la musique. C'est aussi des appréciations qui sont un peu plus sérieuses. Parce qu'il y a 2 sites web distincts qui font... Ouais. C'est le prolongement de C'est ça, exactement. Il y a Hurlemort, il y a Réanimation, Réanimation, évidemment, Hurlemort, étant ton site à toi, est un petit peu plus large. Ben, moi, je rajoute plus de trucs, là. Tu vas mettre plus de trucs. Des gugus personnels. Des trucs personnels, c'est ça. Moi, je vais concentrer plus sur l'émission en tant que telle, ce qui va être susceptible d'être parlé, d'être retenu ou d'être passé sur les ondes. Peut-être pas au niveau du cinéma, c'est un peu plus plate de passer un film à radio, là, mais... avec bien l'imagination! Tu sais, un film de 2 heures, là... Non, mais t'imagines-tu, tu mets un film de fesses avec un film d'horreur, puis t'es mix ensemble, puis t'écoutes juste à radio. C'est pas de n'avoir de l'imagination, savoir ce qui se passe là-dedans. Un film de fesses d'horreur. Mais sais-tu que... Tu sais, t'entends enchaîner ça, oui, tu te demandes qu'est-ce qui se passe là, tu sais, finalement... Tu sais peut-être pas le savoir non plus. Hein. Non, mais dans la vraie vie, t'as bien que la chaîne ça, elle est peut-être ployée au bout de deux choses, tu le sais pas. Il est pas mal tordu, ce gars-là. Hein. Je pense qu'on va le censurer avant longtemps. Alors, dis donc ça, là, pour le fun. Non, c'est correct. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben bref, c'est ça, Sinistros, c'est pratiquement à toi qu'il incombe de fermer cette édition comme de Réanimation. Comme d'habitude. Oui, c'était qui déjà, ça? Je sais pas, mais c'est pas grave, c'était plate. Non, c'est super bon, ça. C'est My Way, mais version poche. Là, un bloc d'affaires bizarres encore, là. Ben oui, une formation norvégienne, une formation japonaise, une formation australienne, une formation italienne qui font tous dans un merveilleux black metal. Et... Ah, là, pas encore! Ah oui! Hey, toi, là, tu fais-tu par exprès? Première formation, c'est Windir. Windir, le chanteur, à un moment donné, il est mort gelé à quelque part. Il revenait d'un party. C'est lui, ça! Puis là, ben là, les autres membres, ils sont partis de leur bar, puis ils l'ont laissé dans la C'est ça, ils l'ont retrouvé, on doit rester là. Ils ont fait Vride. Vride, okay. Qu'on connaît sa réanimation. Ben là, ça, c'est l'avant Vride, c'est Windir. OK. C'est un peu plus black metal. Tu vois ce que ça amène, le black metal? Là? Qu'est-ce que tu veux, gars? T'es en Norvège, je dis, je sais pas, moi, nous autres. Deuxième formation, c'est la formation japonaise Sai. Sai, qu'on connaît pour son black metal un peu flybin. T'es très au-dessus, comme assez band. Sauté. C'est tiré du dernier album, justement, qui est un excellent album. On va avoir Razor of Occam, formation plus black mélodique, parfois trash. C'est très, très bon. Puis là, une formation italienne carrément satanique et dépourvue de tout sens artistique. C'est prometteur. Ça s'appelle Malfaiteur. C'est un chaos total. C'est merveilleux. Ça va très bien finir l'émission. Vu que t'adores ce type de musique-là, ben, ouais. J'ai pensé à toi. Alors, on va commencer avec Windir. On va mettre 3 pièces. On reviendra en onde, puis on... On enterrera le docteur. C'est ça, peut-être que je trépasserai live. Voici Windir avec la pièce Antar, Rain Windir, tiré de l'album Antar de 99. Presque go.

Atlas. Hey, c'était juste pour toi, celle-là. J'espère que c'était pas juste pour moi parce que t'as manqué ta shot. Ah ouais? Là, je me revanche pour ton bloc de tantôt. Hey, écoute, là. C'était une petite vengeance agréable et amicale, puis toi, tu me retires encore à boulet rouge. Toi, tu vas en manger une sincère la semaine prochaine quand je vais te passer mon superbe spécial de Nana Mouskouri. Ah non, si tant que je le ferai plus. Et là, ça sera le cas de dire. Ben non. Pourri. Moi, madame, Nana Mouskouri, moi. Grand-mère dehors. Mais quoi? Grand-mère, tailleur, là. On entend sa formation italienne Malfaitor avec la pièce Unio Mystica Maxima tirée du même album paru en 2007 sur Scarlet Records. Oui, mais j'espère qu'ils vont rester en Italie. Ouais, mais tu sais, regarde, ils sont plus proches du pape pour aller les brosser à la cage ou très satanique, ça, Malfaitor. J'avais comme compris. Là. Pas gentil, pas content non pas plus. Pas content. Hein. Formation australienne, Razor of Occam, avec la pièce Bite of Dogmata, tirée de Hommage au Martyr de 2009. C'était paru sur Metal Blade Records. On a eu les Japonais de Sai, avec Prelude to the Oracle, tirée de Things from Hell de 2010. Qui est apparu sur The End Records. The End. This is the end. My friend. Et on a eu la formation Rasoir. Ouais. Windir avec Antor and Windir, tiré de l'album Antor de 1999. C'est apparu sur Head Not Found. Bon, ben, toute mauvaise chose a une fin, semble-t-il aussi, hein. Ça, c'est la beauté de l'histoire. Et il est 21h50 et je vous rappelle que Trois-Rivières Metal vous propose samedi le 5 novembre prochain au Rock Café Le Stage situé au 75 rue Fusée, Trois-Rivières, secteur 4 de la Madeleine. Secteur? Oui, ben c'est ce que je moi, là, je dis pas ça, Trois-Rivières. Je dis Cap de la Madeleine, Trois-Rivières. C'est parce que ça a toujours été comme ça. Toujours resté au Cap. Tu restes au Cap, point final. C'est tout. Bref, les formations suivantes, Soul of Ignorance, Havoc. Goat Whore et Exhume. Il en coûtera 15$ en pré-vente et les billets sont disponibles en pré-vente à la Puce Rock, sur Notre-Dame, ici au centre-ville de Trois-Rivières et sur le boulevard des Forges, toujours à Trois-Rivières. Metal Punk au centre-ville sur la rue Saint-Georges et via PayPal, trois-rivières-metal.com. Et le soir de l'événement, à la porte, les billets seront au coût de 20$. Mais honnêtement, ça va valoir la peine. À voir. Ouais. En fait, je connais pas Soul of Ignorance. J'en ai aucune idée quel genre de band que c'est. Je sais pas. Mais je sais que Havoc, Goat Whore et Exhume, en ce qui me concerne, ça va justement faire pas mal ma soirée. Oh, que oui. Fait que. On va aller faire nos groupies, ça va être drôle. Tout à fait. La semaine prochaine, je vous proposerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier album, mini-album de Immolation, qui porte le titre de, j'ai un blanc de mémoire, là, je sais pas pourquoi. C'est où j'ai mis ça, là? Ici, peut-être? Ouais. Eh, mes aïeux, c'est compliqué, les internets. Ouais, ça peut être très compliqué. Je suis désolé. Mais je suis vraiment brûlé. Ah, on a tout ça, nous autres, Providence, bon, OK. Providence. Qui est paru sur Nuclear Blast. Donc, mais aussi, je prépare un spécial Sacrifice. Oh. Une pièce tirée de chacun des cinq... une pièce par album, donc cinq albums, cinq pièces, parce que ils m'ont vraiment marqué au Metal Fest. Donc, je fais un mini spécial. Ben, y en a-tu que ça a pas marqué Sacrifice au Metal Fest? Je sais pas, Sinistro, je sais pas. Honnêtement, je pense que même peut-être les plus jeunes qui connaissaient pas Sacrifice ont pas eu le choix d'embarquer. Je sais pas, mais il me semble que ça a été un coup de masse, là, en pleine phrase. Oh, oui, absolument. Donc, une espèce de hommage à cette formation que j'ai toujours aimée depuis le début. Spécial Sacrifice la semaine prochaine. Il est 21h53 et l'émission tire effectivement à sa fin puisqu'il nous reste environ, je dirais, une pièce et 7-8 à passer. Hey, c'est comme la première fois qu'on manque de jus. Ben, en fait, on en a toujours petit peu derrière la cravate, là. Mais c'est que, vois-tu, initialement, j'avais préparé au moins deux pièces de l'album de Machine Head. Oui. Sauf qu'il y avait eu une séquence où j'ai parlé cinéma, que j'avais un petit peu étiré là, le placotage, donc je me suis dit peut-être qu'en bout de ligne, en regardant vite fait l'heure, on va... Bon, j'ai skippé une pièce de Machine Head. La semaine prochaine, vu que tu présentes Immolation, puis une partie de... Le Sacrifice. Le Sacrifice, ben je vais présenter rien qu'un album, parce que, à un moment donné, les auditeurs vont dire, hey, ça suffit, hein. Ouais, mais remarque, tu sais, Immolation, ça va être un maximum de 3 pièces. Ouais, là. Ben c'est pas grave. On va présenter rien qu'un album, puis ça va me donner du jus pour le restant de l'année. Bon, écoute, présente-en un, présente-en donc un bon pour une fois. Pour faire un mix des deux, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, on va terminer sur une dernière pièce. Bon, écoutez, c'est pas du black proprement dit, c'est du black symphonique, c'est des Mauborgir. Moi, je trouve ça bien correct. Oh, c'est bien correct. Bon. Ça dépend quel album. Ben, Une sorte de diabolie. Oh, c'est correct. C'est The Chosen Legacy. C'est parfait, ça. Puis nous autres, on va savoir la semaine prochaine. Ben, ouais, c'est supposé. Ben, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Oh, ouais. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. Go.